Les frères Piaf, je médite. Combien comme Edith Piaf partent et ne regrettent rien. Ma vie est un bazar, mais je ne jette rien. Quant à toutes mes erreurs, je te jure que je ne rejette rien. Tant pis toi, si tu tapis toi sur ton sort, le jour où la mort viendra te dire habille-toi. Mes frères, puissiez-vous me pardonner les quantités de fois où j'ai reçu et je n'ai pas donné. Sincèrement, ça me fait mal comme un enterrement quand je pense à toutes ces choses que je n'ai pas pu faire entièrement. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas pu faire, ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma mère que je n'ai pas souffert. La mort n'est qu'une étape, fut-elle douloureuse, il faut s'y faire. Rester aussi fort et aussi fier qu'un taureau qui charge pour la dernière fois. Et ce, malgré tout ce qu'on laisse derrière soi. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma fille de faire ce que je n'ai pas pu faire. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est qu'une étape. Dites à ma mère que je n'ai pas souffert. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma fille de faire ce que je n'ai pas pu faire. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est qu'une étape. Je représente la larme qui tombe de l'œil d'une mère en deuil. Gardez les larmes pour ceux qui naissent. Pour eux, le plus dur est encore à venir. C'est dur, dur. Mais c'est dire, reste fort pour l'enfant qui a tout à bâtir. Je voudrais pouvoir regarder en arrière, que même des années-lumière. Après ma mort, on l'exerce comme les coutumes d'hier. Importe aux jeunes d'aujourd'hui quoi. Qu'on commémore, non pas mon nom mais ma mission. Afin qu'elle ait une suite et dans vos prières, si vous pouviez ne pas m'oublier. Car cela ne tienne, j'ai donné l'exemple saigné. Et j'espère que Dieu pourra me pardonner, fils, surtout la vie. Méfie-toi d'elle comme une femme d'un mari infidèle. Car si les hommes naissent égaux, face à la mort, personne ne l'est. Est-ce qu'on meurt de son vécu ou comme on est né? La paix comme seul bénéfice sécurise l'homme peiné. On cherche la facilité, mais la mort sollicite et reste l'image drainée. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma fille de faire ce que je n'ai pas pu faire. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est qu'une étape. Dites à ma mère que je n'ai pas souffert. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma fille de faire ce que je n'ai pas pu faire. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est qu'une étape. Si ce message t'as l'occasion d'entendre aujourd'hui, c'est que t'es devenue une grande fille, du moins assez grande pour comprendre. Comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et même que parfois, on part comme ça et sans préavis. Tu trouveras peut-être ça injuste, tu diras peut-être mais comment. Mon père a disparu, il a suffi d'un geste. Assister tes premiers pas, j'aurais tant aimé te voir grandir. Le mot papa au moins une fois te l'entendre dire. Mais le ciel a voulu que je décède, c'est pas moi qui décide. Je préfère être un de ceux qui te précèdent. Y'a des choses qui sont inexplicables, inéluctables, comme la mort d'un proche mais inévitable. T'es la plus belle chose que j'ai eue, tu sais petit, et grâce à toi j'atteindrai le paradis qui sait peut-être. Et à ce titre sache que j'aurai toujours l'œil sur toi. Veille sur maman et dis-lui que je l'aime de surcroît. Dites à mon fils d'accomplir ce que je n'ai pas su faire. Dites à ma fille de faire ce que je n'ai pas pu faire. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est